الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله عليما حكيما وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui a fait révéler et descendre le discernement sur son serviteur afin qu'il soit parmi les avertisseurs. Celui qui créa la nuit et le jour en alternance, pour celui qui désire méditer et réfléchir, et pour celui qui désire être reconnaissant. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Celui qui est envers ses serviteurs omniscient et voyant. Celui qui est envers ses serviteurs omniscient et voyant. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme avertisseur et comme lampe éclairante pour la communauté. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé comme personne afin de prêcher à Allah azza wa jal. Et annonce ainsi aux croyants qu'ils ont de la part de leur Seigneur une faveur grandiose. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa ala kulli man sara ala darbihi wa stanna bi sunnatihi واقتفى أثره إلى يوم الدين. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. سلسلة مراحل الدار الآخرة Étape vers la demeure dernière, une série qui rassemble la jurisprudence funéraire, fiqh al-janaïs, et l'attendrissement des cœurs al-raqa'iq. Quant à la jurisprudence funéraire, nous avions consacré nos premiers discours de cette noble série. Quant à l'attendrissement des cœurs al-raqa'iq, ceci est notre 43e rencontre, ayyuha al-ikhwa. Parmi les rencontres de cette noble série, étape vers la demeure dernière, et notre discours lors de notre précédente rencontre concernait les difficultés et les épreuves et les afflictions que rencontrera le croyant al-mu'min afin de traverser et de passer sur le pont As-Sirat. Et nous avions démontré par la grâce d'Allah et Azza wa Jal et son aide et son bienfait et sa faveur et sa grâce la manière avec laquelle les croyants al-mu'minun passeront et traverseront sur le pont As-Sirat. Et ainsi lorsqu'ils auront traversé le pont par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, auront été sauvés ceux qui auront été sauvés. Et auront été jetés ceux qui auront été jetés dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Et après cela, ils seront arrêtés devant un autre pont entre le paradis Al-Jannah et l'enfer Al-Nar. Et ceci afin que les croyants Al-Mu'minun mettent à plat les injustices qu'il y avait entre eux dans ce bas monde Al-Dunya jusqu'à ce qu'ils aient été purifiés et qu'ils aient été nettoyés de toute rancœur et de toute colère et de toute jalousie et de tout mauvais soupçon et de toute mauvaise pensée dans leur cœur et dans leur poitrine. Car ils ne peuvent entrer ainsi dans le paradis Al-Jannah. Puis après cela, comme nous l'avions dit lors de notre dernier discours, ils demanderont l'intercession à Shafa'a, l'intercession auprès des prophètes Al-Anbiya, Ulul Azmi min al-Rusul, auprès des cinq prophètes doués de fermeté. Ils demanderont l'intercession auprès de ces prophètes en commençant par Adam alayhi salam, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la meilleure des créatures et au plus noble des messagers, Sayyidul Khalq wa Imamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi ils viendront alors auprès du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, afin qu'on lui autorise, et personne d'autre avant lui, de rentrer au paradis Al-Jannah. أيها الإخوة الكرام، personne ne rentrera au paradis avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve en est dans le recueil authentique de l'imam muslim. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit: je viendrai et je m'approcherai devant la porte du paradis Al-Jannah, puis je demanderai que l'on me l'ouvre. Je viendrai et je m'approcherai de la porte du paradis Al-Jannah, puis je demanderai que l'on m'ouvre. Le gardien dira alors: qui es-tu? Et je dirai alors: Muhammad. Et il répondra alors: j'ai certes reçu l'ordre de n'ouvrir à personne avant toi. J'ai certes reçu l'ordre de n'ouvrir à personne avant toi. Et dans une version d'Al-Imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: je serai le premier à prendre l'anneau de la porte du paradis et je le bougerai alors. Je serai le premier à prendre l'anneau de la porte du paradis et je le bougerai alors. À cet instant, tout le monde sera derrière le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Tous les croyants al-mu'minoun se mettront derrière al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, même les prophètes al-Anbiya et même les messagers al-Mursaloun. Et aucune créature ne rentrera avant lui alayhi salatu wa sallam. Et les gens à ce moment-là, yu al-ikhwatul kiram, seront impatients d'y rentrer, seront impatients d'entrer dans le paradis al-Jannah. Car le travail pour y rentrer aura été dur dans ce bas monde ad-dunya. Car le travail pour y rentrer aura été difficile, ayyuha al-ikhwa. Les gens se mettront ainsi derrière al-Habib, alayhi salatu wa salam. Ils se mettront derrière al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wa salam. Et ils seront impatients d'entrer dans le paradis al-Jannah pour atteindre la faveur, et pour atteindre la récompense, et pour atteindre l'honneur de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, leur Seigneur et leur Créateur. Telles seront des heures importantes. Tels seront des moments chers, tels seront des instants grandioses, ayyuha al-ikhwa. À ce moment, ayyuha al-ikhwa tul kiram, ils sentiront dès lors alors les odeurs exquises du paradis al-Jannah. Car ils seront près de la porte du paradis. Ils sentiront les odeurs exquises de la porte du paradis, ayyuha al-ikhwa. Leur désir d'y entrer augmentera alors. Leur désir d'entrer dans le paradis augmentera alors. Il s'accroîtra alors. Et le premier à y rentrer ne sera autre que Muhammad ibn Abdullah, al-Nabi al-Arabi al-Hashimi al-Qurashi, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Khalq wa Habibullah, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, rentrera alors au paradis, par la miséricorde d'Allah azza wa jalla. Puis après lui rentreront les messagers, ulul azmi min al-Rusul, les doués de fermeté. Et après lui rentreront les autres prophètes, al-Anbiya, et les autres messagers al-Mursaloun. Et lorsque tous les prophètes rentreront à Yalikhwa, et à leur tête le meilleur d'entre eux, sallallahu alayhi wa sallam, à cet instant on appellera Ummat al-Islam. Ummat al-Islam. La communauté de l'Islam afin de rentrer. Et il n'y a pas une communauté à Yalikhwa qui ne rentrera pas avant la communauté de l'Islam. Il n'y a pas une communauté qui rentrera avant la communauté de l'Islam au paradis al-Jannah. Et la preuve est tirée de ce que rapporte l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, nous sommes les derniers, mais les premiers le jour de la résurrection, et nous serons les premiers à entrer au paradis al-Jannah. Et nous serons les premiers à rentrer au paradis al-Jannah. Et les premières personnes qui rentreront après les prophètes et les messagers sont les musulmans al-Muslimoun, en commençant par qui? En commençant par les compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum. Et en commençant par les 70 000 personnes qui rentreront au paradis bi-ghayri hisabin wa la'adab. Sans punition, sans jugement ni châtiment. Et la preuve en est, le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques selon Sahih ibn Sa'din radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, par celui qui détient mon âme dans sa main, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, il y aura 70 000 personnes, ou bien 700 000 personnes qui rentreront en une seule rangée. Selon un seul rang, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, par celui qui détient mon âme dans sa main, il y aura 70 000 personnes, ou 700 000 personnes, se tenant les uns les autres. Le premier ne rentrera pas avant le dernier. Et ils auront tous l'image de la pleine lune. Telles sont les premières personnes qui rentreront au paradis al-Jannah. Et ils rentreront en un seul rang. Ainsi, il n'y en a pas un qui devancera l'autre. Et ceci nous prouve, ayol ikhwa, et ceci nous informe de la grandeur et de l'énorme largeur de la porte du paradis al-Jannah. 70 000 personnes. Qui rentreront dans le paradis al-Jannah, le premier ne devancera pas le dernier. En un seul rang, imaginez-vous la largeur de la porte du paradis, et telle est la porte la plus à droite des portes du paradis, Baybul Ayman. Dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, par celui qui détient mon âme dans sa main, la largeur de la porte du paradis est équivalente à la distance entre Mecca et Hajar. La largeur de la porte la plus à droite du paradis entre Mecca et Hajar, et Hajar est une ville du Yémen. Et le paradis, ayol ikhwa, comme nous venons de le dire, comporte plusieurs portes, au nombre de 8. Et Allah Jalla wa Ala nous dit à propos de son nombre, et nous dit à propos de ses portes, Jannatu adani muftahatan lahum al-abwab. Des jardins qui leur seront ouverts leurs portes. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Et ceux qui auront craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis, puis lorsqu'ils y parviendront, et que ces portes s'ouvriront. Ainsi le paradis al-Jannah possède des portes, et la preuve dans le fait que les portes sont au nombre de 8, le hadith rapporté par l'imam muslim et d'autres, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui fait ses ablutions et qui les perfectionne, puis qui lève son regard au ciel et qui dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager, les 8 portes du paradis al-Jannah lui seront alors ouvertes, et il rentrera par celle qu'il désire. Et il rentrera par celle qu'il désire. Et si la personne a une action qu'il aura accomplie et qu'il aura préférée à une autre, c'est-à-dire s'il aura fait plus d'efforts dans une action dans ce bas monde ad-dunya, il rentrera par la porte équivalente à cette action et équivalente à cette adoration, comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Imam al-Bukhari ou l'Imam muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, et au paradis, 8 portes. Celui qui était parmi les gens de la prière, Ahlus Salah, sera appelé par la porte de la prière Babu Salah. Celui qui était parmi les gens de Sadaqat les Zumun sera appelé par la porte de Sadaqat les portes des Zumun. Celui qui était parmi les gens d'Al-Jihad sera appelé par la porte d'Al-Jihad. Celui qui était parmi les gens du jeûne Al-Siyam sera appelé par la porte Babu Siyam. Et alors Abu Bakr radiallahu anhu questionna le messager d'Allah alayhi salatu wasalam et lui dit: Ya Rasulallah, cela ne nuira personne qu'il soit appelé de n'importe quelle porte. C'est-à-dire, y a-t-il des gens qui seront appelés par toutes ces portes, Ya Rasulallah? Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wasalam dit: Naram, oui, et j'espère que tu sois l'un d'eux. Et j'espère que tu seras l'un d'eux. Observez la grandeur de ce compagnon radiallahu anhu arda. Observez dans quelle chose il accorde l'importance et la faveur radiallahu anhu. Ainsi, Abdallah, si tu fais partie des gens de la prière Ahlu Salah, et nous ne voulons pas dire par cela que tu priais, car celui qui délaisse la prière, nous avons déjà évoqué son cas et sa situation et son châtiment. Si tu fais partie des gens de la prière Ahlu Salah, si tu multipliais tes prières surérogatoires, on t'appellera le jour de la résurrection, afin que tu rentres au paradis Al-Jannah par la porte de la prière Babu Salah. Et on te dira: viens ya Foulen, et viens afin d'entrer par cette porte. Si tu étais parmi les gens des aumônes à Sadaqat, tu seras appelé par la porte de Sadaqat. Si tu étais parmi les gens de science et d'ilm, tu seras appelé par la porte de la science et d'ilm. Et ainsi de suite, sauf qu'il existe une porte par laquelle ne rentrera qu'une seule catégorie des croyants, al-mu'minun. Et personne d'autre, ayant l'ikhwa, telle est la porte d'Ar-Rayyan. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit à son sujet un hadith rapporté dans les deux recueils authentiques selon Sahel ibn Sa'din radiallahu anhu. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, fil jannah, au paradis, se trouve une porte appelée Rayyan, as-sa'imun, les jeûneurs y rentreront le jour de la résurrection, lorsqu'ils y seront rentrés tous, elle se refermera et personne d'autre ne rentrera alors. Lorsqu'ils y seront rentrés tous, elle se refermera et personne d'autre ne rentrera alors. Ce sont ceux qui auront jeûné le véritable jeûne, as-siyam, et qui auront multiplié leur jeûne tout au long de l'année, tilat al-am, pour Allah al-Malik al-Allam. Ainsi, al-mu'minun ayu al-ikhwa rentreront alors au paradis al-Jannah. Leurs pieds fouleront la terre et le sol du paradis al-Jannah. Quelle victoire, yuallah! Quelle réussite, yuallah! Quelle joie! Quel bonheur! Quelle réjouissance pour les croyants, al-mu'minun! Quelle grande victoire! Quel grand bienfait! Quelle faveur! Quel honneur! Quelle réussite! فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسَ. Celui qui aura échappé à l'enfer et qui sera introduit dans le paradis aura certes réussi. Telle est la grande réussite, ayol ikhwa. Telle est la véritable réussite auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Imagine-toi, ya Abdallah, imagine-toi avec moi, alors qu'on t'appelle afin de rentrer au paradis al-Jannah. Imagine avec moi cet instant qui ne te donne que des frissons, qui fait frissonner ta peau et qui fait trembler ton cœur en s'appropriant la miséricorde et la bonté d'Allah azza wa jal. Et sachez, ayol ikhwa tul kiram, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera entrer Ahl al-Jannah, les gens du paradis au paradis, qu'après avoir changé et modifié leur image et leur apparence. Alors comment sera l'apparence des gens du paradis? Quelles seront les caractéristiques des gens du paradis? Écoute, ya Abdallah, l'imam al-Tirmidhi nous rapporte un hadith avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayrah radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: Ahl al-Jannah, les gens du paradis n'auront point de poils sur leur visage et point de poils sur leur corps, et ils auront les yeux noirs, et leur jeunesse ne sera point éphémère, et leurs habits ne s'abîmeront pas, et leurs habits ne se détérioreront pas. Les gens du paradis, Ahlul Jannah, n'auront point de poils sur leur visage et point de poils sur leur corps, et ils auront les yeux très noirs, et leur jeunesse ne sera point éphémère, et leurs habits ne se détérioreront pas. Les gens du paradis, Ahlul Jannah, n'auront point de poils sur leur visage. Où sera leur barbe? Où sera la barbe qu'Allah Jalla wa Ala a imposée aux croyants al-mu'minun dans ce monde al-dunya? Allah Jalla wa Ala aura voulu ainsi pour le paradis. Car il sait mieux que nous, et car il est plus sage que nous, al-alim al-hakim. C'est lui qui aura ordonné aux croyants al-mu'minin de laisser pousser leur barbe dans cette vie al-dunya, par les propos du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, dans plus de 17 hadiths authentiques. 17 hadiths authentiques qui prouvent l'obligation de la barbe pour les croyants. Et Allah Ta'ala, dès le début, que le musulman et le musulman serait éprouvé dans sa religion, et s'il laissait pousser sa barbe dans ce bas monde ad-dunya, qu'on le critiquerait et qu'on insulterait d'extrémistes et de terroristes, s'il ne laissait pas pousser sa barbe. Allah Jalla wa Ala était savant, et Allah Jalla wa Ala savait cela. Mais il a obligé aux croyants al-mu'min de laisser pousser sa barbe dans ce bas monde ad-dunya, afin qu'il se différencie des autres, et afin de voir s'il était parmi ceux qui suivaient réellement le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et dans le paradis al-jannah, il fera en sorte qu'il n'aura plus de poils sur son visage. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Et la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée par sa miséricorde, tabaraka wa ta'ala, et par sa sagesse, al-hikmatul balira. Allah jalla wa ala ayyuhal ikhwa enlèvera aux gens du paradis les poils qui les dérangeront, tels ceux des aisselles et autres parties du corps, excepté les cheveux de leur tête. Allah jalla wa ala transformera l'apparence des gens du paradis et leur accordera des yeux très noirs. Ainsi même nos frères musulmans parmi les Européens aux yeux bleus et verts, Allah Jalla wa Ala modifiera la couleur de leurs yeux. Ils rentreront au paradis al-Jannah avec ces caractéristiques et ayant tous le même âge, comme dans le hadith rapporté par Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. Hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: Ahlul Jannah, les gens du paradis, rentreront sans poils sur leur visage, ni sur leur corps, aux yeux noirs, et ils auront 33 ans. Et dans une autre version, et ils seront jeunes de 33 ans. 33 ans, ayyuhal ikhwa, l'âge de la jeunesse, et de la force, et de la dynamique, na'am. Quant à leur taille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'ils seront de la taille de leur père Adam alayhi salam. Et les hadiths sont rapportés dans les deux recueils authentiques selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: leur comportement sera celui d'un seul homme à l'image de leur père Adam alayhi salam, 60 coudées. 60 coudées, l'équivalent d'une trentaine de mètres. Quant à leur beauté, Sheikh al-Albani rahimahullah a cité dans son livre Silsilatu Sahiha, selon Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a cité les gens du paradis en disant: ils seront à la taille de Adam alayhi salam, et à l'image de Yusuf alayhi salam, et au cœur de Ayyub alayhi salam. Fallahu akbar ayyul ikhwa. La beauté de Yusuf alayhi salam, et leur cœur celui de Ayyub, le patient, celui qui aura patienté devant les épreuves et les difficultés, les douleurs et les souffrances. Leur taille telle celle de Adam alayhi salam, leur beauté identique à celle de Yusuf, et leur cœur aussi doux que le prophète Ayyub alayhi salatu wa salam. Ainsi celui qui était de mauvaise apparence dans ce bas monde ad-dunya, il ne le sera plus au paradis dans le Jannah. Celui qui est mort malade et qui a été éprouvé par la maladie dans ce bas monde ad-dunya, Allah lui rendra sa santé dans le paradis al-Jannah. Celui qui est mort vieux et rentrera au paradis ayyuhal ikhwa jeune et puissant et fort. C'est comme cela qu'ils rentreront. Al-Mu'minoun, les croyants. Ils rentreront au paradis al-Jannah avec cette image et cette apparence et de cette façon. Et le premier à rentrer au paradis, ayyuhal ikhwa, les premiers à rentrer au paradis rentreront d'une façon étonnante et étrange, avec une beauté et une joie et un réjouissement énorme, comme il a été cité dans les deux recueils authentiques. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dit: les premiers à rentrer au paradis seront à l'image de la pleine lune. Ceux qui les suivent, le deuxième groupe, sera à l'image de l'étoile la plus brillante du ciel. Ils n'urineront pas, et ils ne déféqueront pas, et ils n'auront pas besoin de se moucher, et ils ne cracheront pas. Et leur peigne sera en or, et leur transpiration aura l'odeur de l'misk. Leurs femmes seront les houris, et leur comportement sera celui d'un seul homme, 60 coudées vers le ciel, à l'image de leur père Adam alayhi salam. Les premiers à rentrer au paradis seront à l'image de la pleine lune. Tel est le premier groupe, ayyuhal ikhwa, qui rentrera dans le paradis al-Jannah. Ils rentreront avec cette apparence, à l'image de la pleine lune. Le second groupe, tel l'étoile la plus brillante du ciel, ils n'urineront pas, et ils ne déféqueront pas, et ils ne cracheront pas au paradis al-Jannah, car Allah Jalla wa Ala aura purifié de tout cela, et aura purifié al-Jannah de tout cela et de toutes les impuretés. Leur peigne sera en or. Et ceci est la preuve qu'Allah Jalla wa Ala n'enlèvera pas les cheveux aux gens du paradis. Leur peigne sera en or, et leur transpiration aura l'odeur d'al-misk. leurs femmes seront les houris, et leur comportement sera celui d'un seul homme. Lorsqu'ils rentreront à Yolikhwa, les nobles anges, les malaïkatul kiram, les accueilleront alors, afin de les féliciter et afin de les accueillir de ce qu'ils ont acquis comme récompense de leur patience. Allah Jalla wa Ala nous dit جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Des jardins où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, ainsi que de leurs conjointes et de leurs descendants. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Et les anges, les malaïka, de chaque porte ils entreront auprès d'eux. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré et pour ce que vous avez patienté. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Comme est bonne votre demeure finale. Comme est bonne votre demeure finale. Les nobles anges, les malaïkatul kiram, annoncent ainsi la bonne nouvelle aux croyants et aux mu'minin lorsqu'ils rentreront au paradis al-jannah. Naam, ils leur annoncent la bonne nouvelle et les saluent. سلام عليكم بما صبرتم. Paix sur vous pour avoir enduré, pour avoir patienté, pour ce que vous avez enduré comme dérangement et comme affliction et comme difficulté, comme test et comme épreuve dans ce bas monde ad-dunya. Salamun alaykum bima sabartum. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Fa ni'ma 'uqba ad-dar. Tel, qu'est-ce qu'elle est bonne votre demeure finale? Qu'est-ce qu'elle est bonne votre demeure éternelle? Ils diront aussi salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Salut à vous, vous avez été certes bon, entrez donc pour y demeurer éternellement. Pour y demeurer éternellement. Et lorsqu'ils rentreront à Yolikhwa, ils diront également, les gens du paradis diront alors, les gens du paradis, les croyants qui rentreront au paradis Al-Jannah, ils diront Alhamdulillah. Alhamdulillah illadhi sadaqana wa'da. Wa awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'. Fa ni'ma ajrul amilin. Louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et qui nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis là où nous désirons. Telle est la récompense de ceux qui font le bien. Et cette récompense est excellente. C'est comme cela qu'ils rentreront al-mu'minun et al-ikhwa, le plus pieux d'abord, le plus adorateur d'Allah en premier. Et il y en a qui devanceront d'autres. Le prophète alayhi salat wa salam nous a informé à al-ikhwa que les pauvres al-masakin parmi les musulmans devanceront les riches al-arniya. Comme ceci a été cité dans Sunan al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, Al-Masakin, les pauvres parmi Al-Muhajirin, rentreront au paradis avant les riches de 500 ans. Ils rentreront 500 années avant les riches Al-Arniya. Et lorsqu'ils rentreront à Yolikhwa, lorsque leur pied aura foulé la terre du paradis Al-Jannah, leur étonnement commencera. At-Ta'ajjub. Ils seront étonnés. Et ils s'étonneront en premier lieu à Yolikhwa, car à ce moment-là, l'étonnement commence. Cette noble terre les étonnera, ainsi que les pierres précieuses du paradis Al-Jannah, car la terre du paradis Al-Jannah, à Yolikhwa, est faite de safran. Et ces pierres sont les émeraudes et les perles. Et la preuve en est le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques selon Anas, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, dit, on me fit entrer au paradis. On me fit entrer au paradis. Je vis alors les pierres de perles et sa terre de musc. Ils s'étonneront à Yolikhwatul Kiram au départ de sa terre. Ils lèveront alors leur tête et seront encore plus étonnés à Yolikhwa lorsqu'ils lèveront leur regard et lorsqu'ils apercevront dans le ciel. Ils viendront alors de voir des constructions et des châteaux et des palais et des demeures qu'ils n'ont jamais vues dans ce bas monde ad-dunya. Wallahi, quels châteaux étonnants! Wallahi, quelles splendides constructions! Wallahi, quelles demeures grandioses! La raison s'en va. L'esprit ne tient plus. Lorsqu'ils observent et lorsqu'ils aperçoivent ces constructions, ce sont des murs, ayol l'ikhwa, qu'ils n'auront jamais vus dans ce bas monde ad-dunya. Des murs en or et en argent. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Un jour fut questionné à propos des constructions du paradis al-jannah. Et alors ils dirent, les compagnons, comment est-ce construit, ya Rasulallah? Et alors il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, une brique en or, une brique en argent, et le ciment est de musc. Sa terre est de safran. Ses pierres sont des perles et des émeraudes. Celui qui y rentre sera réjoui et content et ne sera jamais attristé. Il y sera éternellement et ne mourra point. Ses habits ne s'abîmeront point et sa jeunesse ne sera pas éphémère. Fallahu akbar, ayyuhal ikhwa. Fallahu akbar. La raison ne tient plus. L'esprit s'en va en voyant ses constructions et ses demeures. Ce sont de nobles demeures et de très étonnantes demeures et maisons dans leur forme et dans leur apparence qui se trouvent dans le paradis al-Jannah. Faya Abdallah, si tu désires avoir une de ces demeures, fais ce dont t'a encouragé et exhorté al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit alayhi salatu wa sallam, celui qui construit pour Allah une mosquée dans ses moments d'ad-dunya, Allah lui construira une demeure au paradis al-Jannah. Celui qui construit une mosquée pour Allah dans ce bas monde, espérant la face d'Allah et Azza wa Jal, Allah lui construit une demeure au paradis al-Jannah. Et le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques selon Othman. Et si tu ne peux pas, ya Abdallah, effectuer ainsi les prières surérogatoires al-Rawatib, qui sont rattachées aux prières obligatoires, comme le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, celui qui prie le jour avec la nuit, 12 rak'at surérogatoires, Allah lui construira une demeure au paradis. Et le hadith est rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim selon Habibah radiallahu anha. Puis, l'étonnement des croyants augmente encore. L'étonnement s'intensifiera et s'accroîtra lorsque le regard des croyants al-Mu'minoun croisera des tentes al-Khiyam, les tentes du paradis, qui n'auront jamais vu de telles auparavant, des tentes élevées, d'une brillance stupéfiante. Les tentes du paradis sont faites de saphir et de rubis. Comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam al-Bukhari. Selon Abdullah ibn Qais, radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, une seule tente au paradis est constituée de perles. Sa hauteur est de 30 coudées. Dedans se trouvent les femmes du croyant, elles mourmines. Ils les rencontrent sans que l'une ne voie l'autre. Et dans une autre version d'Al-Imam al-Muslim, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, le croyant, elle mourmine, possède au paradis dans le Jannah une tente haute de 60 miles. Le croyant y aura des femmes. Il les rencontrera sans que l'une ne voie l'autre. Des tentes étonnantes, des tentes stupéfiantes, ayyuhal ikhwa. Et parmi ceux qui auront eu, et parmi celles qui auront eu le bienfait et la faveur de posséder et de bénéficier de ces tentes, notre mère, Umm al-Mu'minin Khadija, radiallahu anha. Al-Imam al-Bukhari ou al-Imam Muslim lui rapporte un hadith, selon Abi Huraira, radiallahu anha, Jibril, alayhi salam, est arrivé au messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, et lui dit alors, ya Rasulallah, voici Khadija, qui est en train d'arriver. Elle porte en sa main un récipient de nourriture. Lorsqu'elle arrivera, passe-lui le salam de son Seigneur. Passe-lui le salam de son Seigneur et de moi. Et annonce-lui qu'elle a certes hérité d'une demeure en roseau dans laquelle il n'y aura ni bruit ni fatigue. Fallahu akbar. Et les savants nous disent de roseau, c'est-à-dire de roseau en perles creuses. Fahal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan. Fahal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan. Y a-t-il une récompense pour le bien ? Que le bien. Et ceci est la récompense, ayyuhal ikhwa, pour Khadija radiallahu anha, d'avoir patienté, d'avoir porté, d'avoir souffert et d'avoir pensé les blessures de Rasulullah alayhi salatu wa salam. Elle fit de la maison du prophète alayhi salatu wa salam un endroit où il se reposait, sallallahu alayhi wa sallam, et un endroit où il lui était utile pour obéir à Allah azza wa jal. Et pour appeler Allah tabaraka wa ta'ala, Faya ukhti al-muslima, ou toi ma sœur musulmane, si tu veux posséder une demeure comme celle de Khadija, sois comme elle. Sois comme elle dans ce bas monde ad-dunya. Et parmi ceux qu'Allah jalla wa ala a octroyé et a donné de faveur de posséder certaines de ses tentes et certains de ses châteaux et de ses palais dans le paradis al-Jannah, innahu amirul mu'minin. L'émir des croyants, Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Écoutez ce hadith, ayyuhal ikhwa, rapporté dans les deux recueils authentiques, qui nous montre le mérite des sahaba, les mérites des compagnons, radiallahu anhum. Selon Jabir, radiallahu anhum, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, je suis entré au paradis, et j'aperçus alors Rumaysa, la femme de Abu Talha. J'entendis alors un bruit, je demandais qui est-ce, on me dit que c'est Bilal. Puis j'aperçus un château, à l'intérieur duquel une jeune servante et une belle houri. Je dis alors, à qui est cela? Et on me dit à Omar ibn Khattab. Je voulais alors y rentrer pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je me suis rappelé de ta jalousie, ya Omar. Et je ne suis pas alors rentré. Et alors Omar s'adressa au prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, ya Rasulallah, de toi je serai jaloux. De toi je serai jaloux. Ainsi, Omar ibn Khattab radiallahu an aura certes acquis ce château duquel s'est étonné le messager d'Allah alayhi salatu wassalam au paradis al-Jannah. Et il voulut y rentrer, mais il aperçut une jeune femme à Omar. Et ainsi il se rappela de la jalousie de Omar, et il ne rentrera pas, et il ne rentrera pas dans ce château. Alors si tu es gouverneur, ya Abdallah, sois comme Omar, tu acquerras ce qu'il aura acquis. Suis les pas de Omar dans ta gouvernance, et dans ton équité, et dans ta justice, car Allah, jalla wa ala, accorde une énorme récompense. Et les gens du paradis ne cessent d'être étonnés, ayyuhal ikhwa. Ne cessent d'être étonnés lorsqu'ils rentrent dans ce paradis, al-Jannah. Ils tournent alors leur regard à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'ils aperçoivent? Ils aperçoivent, ayyuhal ikhwa, des choses qu'ils n'auront jamais vues auparavant. Ils aperçoivent des hautes demeures en étage, au-dessus de ces étages, encore d'autres étages, ressemblant au verre transparent. Regardez ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ما ceux qui auront craint leur Seigneur auront pour demeure des étages au paradis au-dessus desquels d'autres étages sont construits sous lesquels couleront des rivières. Telle est la promesse d'Allah. Et Allah ne manque pas à sa promesse. Et dans le Musnad d'Imam Ahmad, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Malik al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit, il y aura un paradis, il y aura au paradis al-Jannah des étages desquels nous verrons l'intérieur de l'extérieur. Et l'extérieur de l'intérieur, Allah jalla wa ala l'aura préparé et réservé à celui l'imen at'am at'am. Celui qui aura donné la nourriture aux pauvres, l'imen at'am at'am, wa atab al-kalam, et celui qui aura adouci ses paroles, l'imen atab al-kalam, wa atam al-siyam, et qui aura accompli son jeûne al-siyam, wa l'imen salla bil-layli wa an-nas niyam, et qui aura prié la nuit alors que les gens dorment. Telle est la récompense, ya Abdallah. Des étages et des demeures en étage au-dessus desquels des étages sont construits, et qui sont faits à partir de verre, desquels l'intérieur se voit l'extérieur et l'extérieur se voit l'intérieur. Celui qui désire ainsi ce type de demeure, qui ressemble au verre transparent, qu'il effectue alors ses bonnes actions, qu'il vienne avec ses qualités, qu'il adoucisse ses paroles avec les gens et avec ses frères, qu'il donne à manger aux pauvres al-Masakin, qu'il suit le jeûne en siyam, et qu'il prie la nuit alors que les gens dorment. Et les croyants augmentent, ayyuhal ikhwa, encore en étonnement, en ta'ajjub, et en stupéfaction lorsqu'ils entrent au paradis al-Jannah, et lorsqu'ils aperçoivent les rivières al-Anhar. Lorsqu'ils aperçoivent les rivières et les ruisseaux du paradis al-Jannah, ayyuha al-ikhwa, ayyuha al-ahbab, des rivières étonnantes et stupéfiantes dans leur couleur, et dans leur odeur, et dans leur goût. Bashir alladhina amanu wa aminu salihat, anna lahum jannatin tajari min tahtiha al-anhar. Annonce à ceux qui ont cru et qui auront fait de bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ce ne sont pas des fleuves qui dorment, mais ce sont des fleuves qui ruissellent en permanence, ayyuha al-ikhwa. Et le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, vit dans la nuit où il est monté lors de l'ascension al-Mi'raj. Il aperçoit et il aperçut quelques-uns de ces fleuves. Et le hadith est dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim et d'autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les aperçut et il dit alors, ces fleuves sortent de Sidratul Muntaha, sortent de l'endroit appelé Sidratul Muntaha. Et alors il demanda à Jibril, il lui dit, hey, Jibril, que sont donc ces fleuves? Car le prophète alayhi salat wa salam avait vu quatre fleuves. Et alors Jibril alayhi salam lui répondit et lui dit, quant aux deux fleuves cachés, ce sont deux fleuves du paradis al-Jannah. Et quant aux deux fleuves apparents, ce sont le Nil et l'Euphrate. Al-Nil wa al-Furat. Le Nil et l'Euphrate. Et nous, nous croyons au prophète alayhi salat wa salam. Alladhi la yantiqu ani al-hawa. Celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Et nous croyons en Allah jalla wa ala. Et ainsi nous ne jugeons pas l'écrit par notre raison. Ainsi, d'après les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Nil et l'Euphrate qui sont en présence et en ce moment dans ce monde ad-dunya prennent source à partir du paradis al-Jannah. Comment? Sallallahu jalla wa ala le sait. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est véridique dans ses propos. Et parmi les fleuves étonnants et stupéfiants dans le paradis al-Jannah, le fleuve qu'on aura accordé et donné au messager d'Allah alayhi sallallahu alayhi wa sallam, innahu al-kawthar. Inna a'tainak al-kawthar. Nous t'avons accordé al-kawthar, l'abondance. Ce fleuve, ayyuhal ikhwa, ses côtés et ses rives sont constitués de perles. Sa couleur est plus blanche que le lait, et plus délicieuse que le miel al-asal. Et sa terre est faite de musc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à propos de ce fleuve, des oiseaux viennent y boire, leur cou est-il ceux des chameaux. Imaginez-vous, ayyuhal ikhwa, la faveur et le mérite. Imaginez-vous l'étonnement et la stupéfaction des croyants al-mu'minoun. Lorsqu'ils ne feront que rentrer dans le paradis al-Jannah et qu'ils apercevront tous ces mérites et tous ses délices. Et ne pensez pas que les fleuves à Yolihua ne sont constitués que d'eau. Il y a des fleuves de vin, il y a des fleuves de lait, il y a des fleuves de miel. Allah Jalla wa Ala nous dit « Mathalul jannati allati wu'id al-muttaqoun » Telle est la description du paradis qui a été promis aux pieux al-muttaqoun. « Fiha anharum min ma'in ghayri asin » Il y a des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. C'est-à-dire l'eau de ces ruisseaux n'a jamais de mauvaise odeur. « Fiha anharum min ma'in ghayri asin » Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Cela, son goût ne change jamais. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladhdhatin lish-sharibin et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Wa anharum min 'asalin musaffa et des ruisseaux d'un miel purifié. Wa fi wa lahum fiha min kulli ath-thamarat wa maghfiratun min rabbihim et il y a pour eux des fruits de toutes sortes et également un pardon de la part de leur Seigneur. Et dans les sunnans de l'imam au Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique, selon Hakim ibn Muawiyah radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, dans le paradis al-Jannah se trouve un océan de miel, et un océan de vin, et un océan de lait, et un océan d'eau. Puis à partir de ces océans se divisent les fleuves à partir de cet endroit. Se divisent les fleuves. Ainsi, c'est à partir de ces océans du paradis que partent les fleuves du paradis al-Jannah. Et lorsque les croyants al-Mu'minun ayolihwa entreront au paradis al-Jannah, ils apercevront le premier fleuve, le fleuve ayolihwa, qui a été destiné et réservé aux martyrs al-Shuhada dans le monde invisible al-Barzakh. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Avec une chaîne de transmission bonne selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, les martyrs seront devant ce fleuve. Un fleuve aux portes du paradis al-Jannah, dans une coupole verte, et leur nourriture y sortira matins et nuits. Et leur nourriture y sortira matins et soirs. فَنَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ لَا يَحْرِمَنَا فَضْلَهُ qu'il ne nous prive pas de sa bonté, وَأَنْ يَدْخُلَنَا جَنَّتَهُ بِرَحْمَتِهِ et qu'il nous fasse entrer dans son paradis par sa miséricorde. إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et en tenant ses propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام tel est ainsi l'étonnement et la satisfaction et la stupéfaction des croyants al-Mu'minoun cet étonnement qui ne cesse d'augmenter lorsqu'ils rentrent au paradis al-Jannah et ce qui fait perdre encore les raisons et les esprits et ce qui fait trembler les cœurs al-Quloub tels sont les arbres al-Shajara les arbres du paradis al-Ikhwa al-Ashjar du paradis al-Jannah leur incroyable verdure et leur nombre de branches et leur grand ombrage Allah Jalla wa Ala nous dit wa ashabul yamin ma ashabul yamin et les gens de la droite qui sont les gens de la droite fi sidrin makhdoud ils seront parmi des jujubiers sans épines tels sont des arbres qui n'auront point d'épines fi sidrin makhdoud des jujubiers sans épines avec beaucoup de fruits contrairement aux arbres de ce bas monde ad-dunya fi sidrin makhdoud ils seront parmi des jujubiers sans épines wa talhim mandoud et parmi des arbres au régime bien fourni dont les fruits seront importants et ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit fi wa talhim mandoud ce seront des bananiers mais des bananes différentes à ceux de ce bas monde ad-dunya wa talhim mandoud wa talhim mandoud et des bananiers au régime bien fourni wa dhillin mabdoud et dans une ombre étendue et Allah jalla wa ala nous dit dans sourate al-insan wa daniyatan alayhim dhilaluha et ces ombrages les couvriront de près et le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous a informé de la grandeur de cet arbre de la grandeur de ces arbres de la grandeur de ces ombrages Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit au paradis fil janna se trouve un arbre celui qui monte à cheval et traverse l'ombre de cet arbre pendant 100 années n'atteindra pas sa fin n'atteindra pas la fin n'atteindra pas la fin de cette ombre Au paradis se trouve un arbre ayol ikhwa celui qui monte à cheval traverse son ombre pendant 100 années sans qu'il n'atteigne sa fin Et parmi ces arbres ayol ikhwa sidratul muntaha sur lequel Allah Jalla wa Ala nous dit عند سدرة المنتهى عندها الجنة المأوى عندها الجنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى. Près de Sidrat al-Muntaha, près d'elle se trouve le jardin d'Al-Ma'wa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'aura nullement dévié ni outrepassé la mesure. Et dans les deux recueils authentiques, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam un jour aperçoit, lors de l'ascension al-Mi'raj, Sidrat al-Muntaha, et alors il la décrit à sa communauté et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, on me montra Sidrat al-Muntaha. Ces feuilles sont-elles les oreilles des éléphants? Une seule feuille peut couvrir toute ma communauté. Une seule feuille peut couvrir toute ma communauté. Et parmi les arbres du paradis Al-Jannah, il y aura l'arbre de Touba, dont nous informa le prophète alayhi salatu wasalam. Il nous dit, Touba est un arbre du paradis Al-Jannah. Celui qui monte un cheval n'atteint pas le bout de son ombre, même après 100 années de galop. Et les habits du gens du paradis sortent de cet arbre. Allahu Akbar ayyuhal ikhwa. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Saïd. Et le plus étonnant, ayyuhal ikhwatul karam, le plus étonnant, c'est que les arbres du paradis ne sont pas comme les arbres de ce bas monde ad-dunya, ni leur tronc. Car au paradis al-jannah, le tronc des arbres sont en or. Le tronc des arbres est fait en or. Et la preuve en est ce que nous rapporte l'imam au Tirmidhi. Avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, il n'y a pas un arbre au paradis al-Jannah sans que son tronc ne soit en or. Il n'y a pas un arbre au paradis al-Jannah sans que son tronc ne soit en or. Alors si tu désires acquérir ces arbres, ya Abdallah, multiplie donc l'invocation d'Allah al-Aziz al-Ghaffar, les invocations d'Allah jalla wa ala, et écoute ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit. Un jour j'ai rencontré Ibrahim alayhi salam la nuit de l'ascension al-Mi'raj. Et alors il me dit alayhi salam, ya Muhammad, dis à ta communauté que le paradis al-Jannah est une terre dont sa terre est bonne et son eau est délicieuse et sa plantation est subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Quelle plantation importante afin d'avoir les arbres du paradis. Si tu veux planter les arbres du paradis ayol ikhwa, et si tu veux posséder et acquérir ces arbres du paradis, multiplie les invocations, multiplie subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et l'étonnement des mu'minoun devient encore plus intense. Lorsqu'ils lèvent le regard, ayol ikhwa, lorsqu'ils lèvent le regard vers le ciel du paradis al-Jannah, et qu'ils ne verront ni soleil, ni froid. Car dans le paradis, ayol ikhwa, il n'y aura ni soleil, ni lune, ni chaleur, ni froid, ni nuit, ni jour, comme nous le dit Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah. Ils ne verront ni soleil, ni froid. Wa Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, il n'y aura pas de soleil ni de lune dans le paradis al-Jannah, ni de nuit ni de jour, mais le matin et la soirée seront distingués et reconnus par une lumière qui viendra de l'Arsh al-Rahman, du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme cela que les croyants al-Mu'minoun rentreront au paradis al-Jannah par les miséricordes d'Allah jalla wa ala, et Allah certes a tenu sa promesse et son engagement. Et il les aurait fait entrer, il les aura fait entrer au paradis, ayyuhal ikhwa, par sa miséricorde, tabaraka wa ta'ala. Et ils n'ont pas encore goûté, ayyuhal ikhwa, ni aux bienfaits du paradis. Car ce discours aujourd'hui, à propos des bienfaits du paradis, n'a pas encore commencé. Nous ne sommes qu'à l'étonnement et à la stupéfaction des croyants al-mu'minoun lorsqu'ils rentrent au paradis. Et nous n'avons point encore parlé ni de leur nourriture, ni de leur boisson, ni de leur alcool, ni de leur femme, ni de leur transport. Nous ne parlons en ce moment que de leur étonnement lorsqu'ils apercevront l'apparence du paradis al-Jannah. Ayyuhal ikhwatul kiram, sachez que par la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'une personne perd un de ses enfants dans ce bas monde ad-dunya, il les retrouvera devant la porte du paradis al-Jannah. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya. Et ce hadith également dans les livres de Sheikh Al-Albani As-Silsilatu Sahiha, selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, les enfants des croyants al-mu'minin au paradis al-Jannah sont gardés par Ibrahim wa Sarra. Puis ils les rendront à leurs parents le jour de la résurrection. Et dans une version d'Al-Imam Muslim, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, leurs enfants sont ceux qui vont où ils désirent au paradis. L'un d'entre eux ira alors aux portes du paradis al-Jannah et il prendra alors la main de ses parents ou bien leurs habits comme moi je prends ton habit, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il prendra alors la main de ses parents ou leurs habits et il ne les lâchera pas jusqu'à ce qu'il les fasse entrer au paradis al-Jannah. Et si quelqu'un nous dit, Quel est le nombre de cette communauté comparé aux autres au paradis? La réponse est dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques. Selon Abi Saïd radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai certes voulu que vous soyez le quart des gens du paradis. Les compagnons dirent alors Allahu Akbar. Puis il dit alayhi salatu wassalam: Walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai certes voulu que vous soyez le tiers des gens du paradis. Les compagnons dirent Allahu Akbar. Puis il répliqua: Walladhi nafsi biyadi, par celui qui tient mon âme dans sa main, j'ai certes voulu que vous soyez la moitié des gens du paradis. De toutes les communautés, ayyuhal ikhwa, de leur premier jusqu'à leur dernier, parmi les croyants al-mu'minoun et les successeurs des messagers al-mursalin, tous seront la moitié des gens du paradis et la communauté d'Islam l'autre moitié. Ainsi, telle est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et la bonté de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala envers la communauté d'Islam. Et le plus grand nombre des gens du paradis, ayyuhal ikhwa, parmi cette communauté, seront ces pauvres et ces faibles. Masakinuha wa fuqara'uha, ceux qui auront patienté devant les difficultés, les douleurs et les souffrances dans ce bas monde ad-dunya. Ces pauvres qui auront subi les difficultés de par les tyrans et les injustes, et qui auront patienté pour Allah et Azza wa Jal. La preuve en est dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari wa Muslim. Selon Haritha ibn Wahb radiallahu an, le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit: voulez-vous que je vous informe sur le plus grand nombre des gens du paradis? Et alors il répondit: Naram, oui ya Rasulallah. Et alors il dit: le pauvre appauvri. Le pauvre appauvri. Puis il nous dit: s'il jure sur Allah, Allah exaucerait son invocation. Tellement il est pauvre. Et dans une autre version, dans les deux recueils authentiques, je vis les gens du paradis d'El Jannah, et je vis que la plupart d'entre eux étaient les pauvres. Et dans une autre version, la plupart des habitants d'El Jannah sont les pauvres, et les riches seront arrêtés. Et les riches seront arrêtés. Et telle est la récompense pour ceux qu'ils auront enduré et ceux qu'ils auront patienté dans ce bas monde d'ad-dunya. Récompense pour ceux qu'ils auront enduré comme difficulté, comme épreuve et comme souffrance. Ayyuhal ikhwatul kiram, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est que très peu devant beaucoup d'informations. N'est que très peu, ayyuhal ikhwa. C'est tel un débordement devant toute la mer et tout l'océan. Car ce qu'Allah a réservé et ce qu'Allah a destiné et ce qu'Allah a préparé au paradis al-jannah dépasse les esprits, dépasse la raison, dépasse l'imagination, comme nous le dit Allah Jalla wa Ala: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Car ce qu'Allah a préparé au paradis dépasse l'imagination et la raison, comme nous le dit Allah: aucun être ne sait ce qu'on aura réservé pour eux comme réjouissance pour leurs yeux, en récompense de ce qu'ils aimeraient. Et dans le recueil authentique d'Al-Imam au Muslim, Allah Jalla wa Ala nous dit dans un hadith Qudsi: j'ai certes préparé à mes serviteurs pieux al-muttaqun, ce que nul œil n'aura observé auparavant. Ce que nul œil n'aura observé auparavant, et nulle oreille n'aura entendu auparavant, et nulle raison et esprit n'aura imaginé auparavant. Et ainsi sera véridique celui qui nous dit et travaille pour la demeure de demain, pour satisfaire le gardien du paradis Ridwan. Ton voisin sera Ahmed, et le tout miséricordieux son constructeur. Ses châteaux sont ton or, et sa terre est du musc. Le safran sera son herbe, et ses fleuves seront le miel et le lait. Le vin coule, et les oiseaux circulent sur les branches, et ils glorifient Allah. Et celui qui achète une maison dans... Alors qui est celui qui aurait acheté une maison dans le plus haut Firdaus, ne serait-ce qu'avec une rak'at au plein milieu de la nuit? Est véridique celui qui nous dit: وَعْمَلْ لِدَارِ غَدٍ رِدْوَنْ خَازِنُهَا وَالْجَارُ أَحْمَدْ وَالرَّحْمَنُ بَانِيهَا قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها عصر مصفا ومن لبن والخمر يجري رحيقا من مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. Le paradis, ayyuhal ikhwa, al-jannah, est ainsi la demeure qu'Allah Jalla wa Ala aura préparé à ses serviteurs pieux al-muttaqun, à celui qui aura cru en Allah Azza wa Jal, et qui aura fait les bonnes actions al-amal al-salih, qui aura cru et qui aura la conviction et la certitude en ce paradis, et qui aura œuvré pour cette demeure dernière. Allah Jalla wa Ala le fera ainsi rentrer par sa miséricorde, tabaraka wa ta'ala. Par sa miséricorde et non par ses actions. Par sa miséricorde, ar-Rahim, ar-Rahman, Jalla wa Ala. quant à celui qui aura douté sur l'existence du paradis, quant à celui qui aura douté quant aux informations qui dépassent la raison et l'esprit, quant à celui qui se sera mis dans le doute, wal'iyadu billah, il ne sera point parmi ses habitants, il ne sera point parmi les résidents du paradis al-Jannah, car il aura fait partie des mécréants al-Kuffar et les hypocrites al-Munafiqoun, wal'iyadu billah. Il ne nous reste, ayyuha al-Ikhwa, la parole sur les bienfaits des gens du paradis. Na'im ou ahli al-Jannah, sur la manière avec laquelle ils vivront et ils résideront et l'environnement dans lequel ils seront dans le paradis al-Jannah, tels que leur nourriture et leurs boissons, et leurs habits, et leurs lits, et leurs femmes, lors de notre prochain discours. Bi'idhnillahi azza wa jal, wa nas'alullaha jalla wa ala, bi asma'ihi al-husna, wa sifatihi al-ula, et je demande à Allah jalla wa ala al-halim al-karim, qu'il ne nous prive pas de sa bonté et de sa générosité, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh, et qu'il nous fasse entrer au paradis par sa miséricorde, innahu ala kulli shay'in qadir, as'aluhu tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas wa sawaba fil qawli wal amal, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلوا وسلموا على حبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المنتقى وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Je demande à Allah Jalla wa Ala, et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Man kana min sawabin famin Allahi wahda, wa man kana min khata'in aw nisyan aw sabqi lisan, famin wa min ash-shaytan wa labud, wallahu wa rasuluhu min dalika wa bara. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à ses compagnons, sa famille, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier, et notre dernière invocation, ayyuha al-ikhwa, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, walhamdulillahi rabbil alamin.